Pas très puissant ça. La la la la ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Martin, Carl Martin, Carl Martin, Martin is John, Carl Martin, Martin is John, Carl Martin, Carl Martin, Martin is John, John, John, Carl Martin, you need Martin is John. Je ne l'entends pas jouer de la guitare, ça me fait chier. Pourquoi elle faut monter le son en main? Oh, ma, ma, ma, ma, ma. C'est les vibrations sonores. Yeah, man, take your banana. Thank you.

Il a la guitare, Mega Man. Top of the

Jamais. sa main. Dédicace à Benjamin. Benjamin, le Benjamin de tous les Benjamins.